Ce que fit Yves. À la maison, début 1973, les choses évoluent. Papa et maman ont engagé des représentants de commerce. Il y a Agnès, propriétaire d'un magasin de poterie à Valoris, qui adore bouger et circule dans la partie nord de la France. Alain, lui, qui sillonne la Provence et le littoral. Agnès possède un sacré tempérament. Très autoritaire, elle règne sur un essaim de jeunes amis, la plupart des coiffeurs plus ou moins masculins, qu'il adore presque autant qu'ils s'aiment entre eux. Elle trouve qu'ils ont tous une fibre artistique divine. Ils sont si talentueux, ma chère. Les parents de Faustine ne tardent pas à tomber sous le charme de la quinquagénaire. Non seulement c'est une redoutable femme d'affaires et la meilleure vendeuse que la terre ait portée, mais en plus elle officie en tant que secrétaire d'un producteur pendant le festival de Cannes. Cela fit d'elle une pourvoyeuse de billets gratuits pour certaines avant-premières. Évidemment, les parents de Faustine sont les premiers servis. Mais généreux comme toujours, ils offriront à leur fille les places qu'ils dédaignent. Ainsi, elle aura l'occasion de voir la planète sauvage, Monsieur Klein, Iphigénie, et même le fameux Molière d'Ariane Mnouchkine. Fouler le tapis rouge, Faustine en rêvait. Elle raffole de l'ambiance du festival et y passe tous ses moments de loisir, se pavanant sur la plage comme toutes les stars et starlettes dont, peu physionomistes, elle ne reconnaît aucune. Alain, Dudu pour les intimes, est également un excellent commercial, même si sa vie n'est pas un conte de fées. Père de deux adolescents, il est au bord du divorce lorsqu'il commence à travailler avec les parents. C'est un multicarte, comme on dit, ce qui signifie qu'il représente plusieurs artisans ou petites sociétés. Papa a un peu de peine avec lui parce que ses clients, dans leur majorité, refusent de payer sur facture. Il ne travaille qu'au noir, ce qui oblige le respectable commerçant qu'il est à tenir une double comptabilité. Situation très désagréable provoquant moult angoisses chez le paternel, déjà très pessimiste en temps normal. Heureusement, il bénéficie d'amis haut placés. Ce qui n'est pas une raison, on en convient. En Suisse, on ne travaille pas comme ça, on est honnête. Tu pas, ils font bien pire, rigole maman. Faustine aura bientôt terminé sa première année d'apprentissage. Elle continue d'accomplir ses tâches en accumulant les expériences et les compétences. À l'école, elle apprend à dessiner des enseignes, à reconnaître les différentes sortes de tissus et de tissages, à organiser un salon de coiffure, franchement, à écrire aux fournisseurs, etc., etc. Le mercredi soir, elle profite toujours de la science maternelle, avec son lot de réponses précieuses ou frustrantes. À plusieurs reprises, elle tente d'expliquer à maman qu'elle n'est pas jalouse du fait que celle-ci lui préfère son frère, si seulement elle voulait bien l'admettre. C'est le doute qui lui est pénible, mais elle ne sait pas le formuler. Maman, qui proclame toujours haut et fort qu'elle ne ment jamais, esquive, ne dit ni oui ni non. Une fois, elle admet tout de même qu'elle ne peut pas aimer son fils comme sa fille, puisque cette dernière lui ressemble à l'évidence, alors que des jeux de séduction différents se mettent en place entre une mère et son fils. Une autre fois, elle avoue qu'il est terriblement difficile d'aimer une enfant qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son père, Oni. Avec pour conséquence que la jeune fille se sent désormais coupable de promener son minois devant sa mère. Faustine s'impatiente. Que la vie s'écoule lentement. Elle aimerait en avoir fini avec tout cela. Partir, enfin. Heureusement, il y a des compensations, des distractions qui aident à survivre. Par exemple, l'autre samedi, à la MJC, elle a été invitée à danser par un jeune homme étrange. Au lieu de la flatter bassement comme les autres, il l'a chambrée en lui disant des trucs comme « Tes dents sont magnifiques, dommage qu'elle raye le parquet » ou « Avec tes oreilles, tu n'auras jamais besoin de parachute » et ainsi de suite. Faustine a beaucoup ri ce soir-là avec son nouvel ami. Ensuite, ils ont quitté le bal et sont allés explorer main dans la main les ruelles du vieux Cannes. Il s'appelle Christophe. Il a 24 ans. Actuellement, il travaille dans le bâtiment, installateur de moquettes. Leur pas les mène devant la mairie qui surplombe une belle volée de marches. Faustine lui demande s'il est marié. « Non, lui répond-il, mais cela finira bien par m'arriver. Et ce jour-là, je ferai ça avec ma femme. » Prenant alors la jeune fille dans ses bras comme une mariée, hop, il descend toutes les marches en courant. Faustine jubile jusqu'au moment où il lui explique que le 2 mai prochain, il doit se rendre à Toulon sur un chantier. Il a signé un contrat de 2 ans. Que Faustine ne s'inquiète pas. Il reviendra le 1er mai à la MJC pour lui dire adieu. Ils passeront ensemble sa dernière soirée. Le jour de la fête du travail, Faustine n'a pas congé. Les commandes sont prioritaires. Un artisan ne fait pas toujours ce qu'il veut. En compensation, Faustine a la permission exceptionnelle de sortir le soir, bien qu'on soit en semaine, à la condition expresse d'être rentrée à 20h. Faustine a commis l'erreur de parler de Christophe à maman, qui a eu tôt fait de lui soutirer son âge et réagi en grondant. « Tu vas m'arrêter ça tout de suite, c'est clair ?» Faustine a promis. « Oui, oui, oui, mais juste une dernière fois, maman, s'il te plaît. » Que maman exige qu'elle rentre quand il fait encore jour est significatif. Or, Faustine apprend dans le train que le dernier autorail passera à 19h. « Sitôt ? Pas question de se pourrir la soirée. » L'adolescente retrouve son amie et, depuis le bureau de la MJC, téléphone à 19h01 à sa mère. Elle lui met le marché en main. Soit elle rentre par le bus de 22h, soit elle se fait raccompagner en voiture. Comme prévu, maman qui a une peur bleue des enlèvements et des accidents de voiture conduite par des petits voyous sans expérience, exige qu'elle prenne le bus. Et voilà, le tour est joué. Faustine et Christophe ont toute la vie devant eux. Le jouvenceau n'en profite pas. Il se conduit en parfait gentleman et laissera à sa très jeune amie le souvenir nostalgique d'un prince charmant du temps jadis. Après s'être confié leurs plus intimes convictions, après avoir refait le monde pendant 210 minutes, il veille à l'accompagner jusqu'à l'autocar. Ils se séparent, aussi émus l'un que l'autre, pour ne plus jamais se revoir. Ils ne se sont même pas embrassés.